Bonjour et bienvenue à l'émission de Jacqueline Omzig. Aujourd'hui, je vais parler au sujet de ma chambre. Coucher. Ensuite, je vais parler à Lime M&M au sujet de elle chambre au coucher. Mais maintenant, je suis parlé au sujet de ma chambre. Dans une journée, ma mère et moi croissaient dans notre jardin. Pendant que nous croissons, on a trouvé une boîte avec 5 000 $ là-dedans. Ma mère m'a dit que je ne peux pas le dépenser sur n'importe quoi. Alors, je l'ai dépensé sur ma chambre. Mon lit est grand et la couleur de mon couverture est le vert vibrant. Mon lit est sous mes fenêtres sont brillantes. Mes murs sont verts avec les blancs. Mon bureau est noir. Sur mon bureau, il y a une lampe verte, un ordinateur avec un visage souriant. J'ai une armoire pleine de vêtements. Je fais tout le vêtement. À la droite de mon armoire est ma buffet. Mon buffet est la chose qui dit Paris sur ça. Je veux aimer ma table de nuit parce que c'est très belle. Mon chaise est ma préférée. J'ai ma chambre. Maintenant, je suis parlé à Lime M&M au sujet de elle chambre au coucher. Alors, Lime, comment ton chambre au coucher coupe-comme? Merci, Jacqueline. J'ai victoré la loterie pour 5 000 $. J'ai poussé ça sur mon nouveau lit, mon nouveau buffet, ma nouvelle lampe, ma nouvelle chaise, mon nouveau bureau et autre chose aussi. Une de mes préférées choses dans ma nouvelle chambre, c'est mon deux lampes. J'ai une, ça regarde comme le soleil, et l'autre, c'est vert, avec petite nage, c'est ça. J'aime petite nage. Je vais sur la nage. Mais ça, c'est impossible. Ma fenêtre, c'est grosse et claire comme glace. Merci pour ton temps. Au revoir. Lime M&M, au revoir. Merci, Lime M&M. Et au revoir et merci pour ton temps.